condamné, sort de tôle après 88 mois. Une paire de bottes neuves et une meuf en front. Je te vois twerker, grind sur la barre. Je sais que tu me mates, ce cul qui m'attire. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux te gazer comme les juifs. Te gazer comme les juifs. Te gazer comme les juifs. Te gazer comme les juifs. Te gazer comme les juifs. Moi je veux te gazer. Te gazer. Te gazer comme les juifs. Te gazer. Te gazer. Te gazer comme les juifs. Moi je veux te gazer. Te gazer. Te gazer comme les juifs. Te gazer. Te gazer. Te gazer comme les juifs. Moi le nazi. J'suis là, j'suis là, prêt à tout cramer, yeah. Avec mon Zyklon B, j'fais le ménage en grand, yeah. Il t'l'est mon guide, il savait comment faire. Chambre à gaz, on envoie les parasites en enfer. T'es une youpine, j'te vois, j'te sens. Ton écro chuté chez quel, tout ça me dégoûte. Alors viens par ici, on va dans la douche. Et j'te gazerai, ouais, sans remords, sans pitié. Moi j'veux te gazer, te gazer. Te gazer comme les juifs, te gazer, te gazer, te gazer comme les juifs. Je te gazer, te gazer, te gazer comme les juifs, te gazer, te gazer, te gazer comme les juifs. Dans le camp on crie, les faibles d'un côté, les forts survivent, mais pas pour longtemps. 88 ailes, c'est mon cri de guerre. La solution finale, c'est mon rêve éveillé. T'as beau crier, sublier, ça change rien. Le gaz infiltré, c'est la fin pour toi. White power, fierté blanche, on reprend le contrôle. Plus de mélange, plus de mensonges, que du pur. Moi je veux te gazer, te gazer, te gazer comme les juifs. Te gazer, te gazer, te gazer comme les juifs. Je veux te gazer, te gazer, te gazer comme les juifs.